prêmio. J'entends un mec avec une guitare. We'll be right back. Palota. Not me. Could you pump up the volume of the guitar? Don't hear you. L'ordinateur est tout bloqué. C'est tout bloqué, je vois plus rien. J'ai tout bloqué ce putain d'ordinateur. Il veut rien en faire comme son maître. Il veut rien en faire et c'est tout bloqué. Bon ben je suis obligé de revenir parce que c'est tout bloqué. Je suis désolé. Je veux même pas s'éteindre. Salopard. Salopard d'ordinateur. Du coup, je peux même pas vous arrêter la batterie. C'est tout bloqué. C'est où qu'on débranche? Merdas. C'est à la même place. Dis donc, j'ai un problème, mon ordinateur il est bloqué. C'est le roi de l'ordinateur. C'est tout bloqué. The problem with my computer. My computer don't work. I can't stop it. I'm sorry. I want to stop this, but I can't because my computer is completely. Oh! Stop! c'est la première fois qu'il me fait ça. Je suis désolé, je peux pas y arrêter. J'arrive même pas à éteindre cette merde là. J'arrive pas à lire. Ah, je peux plus. Is that, I don't know what the BPM is on this shit. No, man. Let's see here. I need to turn all my record channels off, maybe. Mm-hmm.